Ballade des gros dindons par Edmond Rostand. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Les gros dindons à travers champs, d'un pas solennel et tranquille, par les matins, par les couchants, bêtement marchent à la file. Devant la pastour qui file en fredonnant de vieux fredons, vont en procession docile les gros dindons. Ils vous ont l'air de gros marchands, remplis d'une morgue imbécile, de baillis rogues et méchants, vous regardant d'un œil hostile, leurs rouges pendeloques oscillent, ils semblent parmi les chardons gravement tenir un concile, les gros dindons. N'ayant jamais trouvé touchant les sons que le rossignol file, ils suivent, lourds et trébuchants, l'un d'eux, digne comme un édile. Et lorsqu'au lointain campanile, l'angélus fait ses lents, din, don, ils regagnent leur domicile, les gros dindons. Prud'hommes gras, leurs seuls penchants sont vers le pratique et l'utile. Pour eux, l'amour et ses doux chants sont un passe-temps trop futile. Bourgeois de la jante volatile, arrondissant de noirs bedons, ils se fichent de tout idylle, les gros dindons.